les accros aussi, le Big Ben. Antithèse. Et Marilyn. Pour le podcast des accros, l'édition du mois de mai 2012. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Et toi, Big Ben, comment ça va? Moi, ça va vraiment bien. On a passé un beau mois d'avril quand même, côté jeux vidéo et aussi côté accro des jeux. Mais tout d'abord, on va commencer à prendre des nouvelles de tout le monde. Alors, je vais commencer avec mon cher ami Antithèse. Quoi de neuf de ton bord? Oh mon Dieu, par où commencer? Je me fais remercier de mes services à 2 jours de ma fête. Par manque de travail. Ah. C'est vraiment chouette. Si vous voulez savoir l'histoire, c'est parce que la compagnie pour laquelle je travaillais faisait affaire avec Aveos. Arc. Pouf, non, me faire appeler quasiment une semaine plus tard. Hey, j'ai de la job pour toi, mon petit gars. Fait qu'il est en train de travailler. Fait que là, ça mal pour un bien si tu considères qu'au lieu de voyager en 3h30 et 4h par jour, ben là, tu voyages. Même pas 2h. Ok. Fait que pour sensiblement la même job. Fait que moi, à ce niveau-là, je me dis, bon, au moins, je suis retombé sur mes pieds assez rapidement versus qu'habituellement, et ça, ça entend un cri-cœur à tous les gens qui ont la même chance que moi, et je sais qu'il y en a plus qui ont cette chance-là, si on peut dire, qu'ils perdent leur job ou qu'ils sont sans travail, ils envoient 250 CV, 200 CV leur répondent « Oui, on aimerait te rencontrer », les 200 interviews te disent « Oui, on a un job pour toi, mais on faut juste qu'on fasse une petite affaire ou deux », puis ils te rappellent jamais. Faut garder espoir. C'est chiant, hein? Mais bon, au moins t'as réussi à trouver, t'es retourné à ton ancien emploi. Fait que au moins. Dans un sens, c'est l'effet d'ancien emploi, ouais. Je peux te dire que le superviseur était, sans me vanter, très content de me voir me pointer le. J'ai commencé la semaine passée mercredi, donc mercredi, il était très content de que je me pointe aussi rapidement, que je réponde aussi rapidement à. Ah, finalement, il y a une ouverture, t'es prêt à travailler quand? Là. Ah, ben c'est super le fun, tant mieux. Ah, mal pourra bien. Comme quoi l'année 2012 n'était pas si mauvaise. Ben, pour dire que c'est une affaire sur des mille et des mille. Mais t'es rendu quand même juste à moitié, fait que c'est. T'es rendu à moitié de l'année. Et le restant de bonne année, je te souhaite en tout cas une bonne milieu d'année, en tout cas. Merci, Big Ben. C'est super apprécié. Et côté geek, toi, de ton bord, qu'est-ce qui se passe de nouveau? C'est beaucoup de préparation mentale pour justement des Avengers qui sortent ce vendredi le 4 mai. Wouhou! Youpi! Que je ne verrai pas, sûrement pas avant dimanche, pas probablement, parce que je suis hyper occupé de ce temps-là. Qu'est-ce que je fais? Ben écoute, 3DS, c'est encore Resident Evil, c'est ma deuxième game et je dévore ce jeu, mais juste que je le dévore très lentement. Tu prends ton pied à jouer finalement. Et sur PSP, je me suis renoué d'amour avec Symphony of the Night. Ouais, très bon jeu. Excellent. C'est drôle, hein? C'est un jeu que ça fait 15 ans qu'il est sorti. Et moi, je sais pas pour toi. Je sais pas pour renforcer les gens qui nous écoutent, mais je me tanne jamais. Non, parce que c'est un des excellents RPG qui est sorti, toutes catégories confondues réellement. C'en est un de mes préférés finalement. C'est un des miens aussi. Waouh, ça peut être un clone de Metroid comme on avait discuté au dernier podcast, mais ça a également sa part de différence. Fait que... C'est vraiment tant en clone que ça, c'est un hybride dans le fond. C'est ça, certainement. Puis sinon, à part ça, tu joues à rien d'autre. Tu joues-tu sur ta PS3 ces temps-ci? Je commence. Je prototype un petit peu. Mm-hmm. Là, j'ai acheté Mortal Kombat, le nouveau Mortal Kombat. Fait que j'y ai pas encore touché. Ok. Puis j'ai hâte d'y toucher. Alors, si vous voulez. Vous frottez à un ancien expert de Mortal Kombat 2, dont je suis sûr que ça n'a aucun rapport avec le nouveau Mortal Kombat. Ben, pas vraiment. Antithèse, c'est mon nickname sur SEN. D'accord. Alors, on va embarquer sur le côté à Marilyn. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Ben, de mon côté à moi, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je fais des grosses semaines à la garderie où je travaille. C'est pas mal ce qui m'occupe le plus ces temps-ci. Très, très récemment, hier, j'ai vécu mon premier live en compagnie de Vlog de Marie, mais il y a des gens, des geeks qui sont venus me voir sur mon... Nice! Oui, j'ai Shadix qui est venu me poser des questions. J'ai quelques amis qui sont aussi geeks que nous, qui sont venus poser des questions puis jaser avec moi. Donc, c'était une belle opportunité. C'est censé durer une heure et demie, puis je pense que ça a duré 2 heures et demie de temps. Donc, le temps a vraiment passé vite. Je pense que je vais en refaire des lives comme ça dans les prochaines semaines. Sweet! Ouais. Et côté jeu, Marie, qu'est-ce qui... À quoi tu joues ces derniers temps? Je joue pas grand-chose. Comme je vous dis, je suis très occupée par mon travail. Ça prend vraiment beaucoup de mon temps. Mais j'ai délaissé un peu ma 3DS. Ça me manque un peu, je vous dirais. J'ai même délaissé World of Warcraft. Très étonnamment. Aïe aïe! Ouais. Mais le seul jeu que vraiment je joue, parce que je suis un peu dans mon défi personnel aussi d'entraînement, comme Big Ben, c'est Just Dance 2, présentement. Puis je suis vraiment dans le défi intensif. Puis franchement, ça marche mieux encore que ce que je pensais. Nice. Donc, je perds tranquillement des petites livres. Je suis très contente. Puis il va sûrement y avoir d'ailleurs une critique de Just Dance 2 et Just Dance 3 bientôt. Rappelle-moi, ouais. Ben, c'est quoi la critique que tu as faite? Moi, c'était sur Your Shape. Your Shape, ok, Your Shape. Il est disponible sur le site. Je l'ai sorti samedi. Oui. Puis, non, sérieusement, c'est un bon jeu, mais pour ce qui est de la valeur, faut vraiment pas l'acheter trop cher parce qu'il y a beaucoup de défauts techniques par rapport à la caméra. Fait que pour le moment, ça vaut pas vraiment la peine de l'acheter, surtout si vous avez une Kinect. Allez chercher Your Shape Kinect, même si je l'ai pas essayé, j'imagine qu'il doit être beaucoup meilleur que cette version-ci pour la reconnaissance. Mais pour les mouvements simples, comme par exemple faire du jogging ou des affaires de même, la caméra, elle perçoit très bien. Donc là-dessus, j'ai pas encore acheté la cassette dans la rue, comme je l'avais dit dans l'autre podcast. Pour argumenter, la caméra pour la Wii, c'est quoi? C'est juste un œil ou c'est trois yeux comme... la PS Move puis la Kinect. Non, c'est une webcam, c'est vraiment une webcam normale. Là, donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça. C'est ça. De toute façon, la Kinect, même si elle a 3 sensors, je sais qu'elle envoie un autre senseur supplémentaire de point rouge dans la salle. Où est-ce que t'es? Ah. Ça, tu peux voir ça sur des vidéos sur YouTube. Il y a vraiment des micro-points qui sont envoyés dans la salle en même temps pour la reconnaissance des mouvements. Alors, les mouvements sont plus perçu par la caméra, fait que c'est sûrement pour ça que la Kinect elle va toucher meilleur, elle va être meilleure pour la Xbox pour ce genre de jeu-là que la Wii. Ouais, tant que c'est pas Star Wars Kinect. Effectivement, mais ça je l'ai pas essayé, il faudrait demander à notre chum JP Cardin qui l'a. Oh non. De ce que j'ai su, je pense qu'il l'a, alors il faudrait que j'y demande de nous en parler un moment donné. Pauvre lui! JP, j'ai de la peine pour toi. Effectivement, j'ai aussi de la peine pour lui. Mais bon, tu sais, je veux dire, on faut pas s'attendre à grand-chose d'un jeu que Star Wars Kinect. Effectivement. Comme je disais dans le podcast, quand c'est rendu que c'est le jeu de course le plus efficace, qui est le plus jouable, alors qu'il promouvait comme étant « Vous pouvez être un Jedi ». Mais non, c'est le pod racing qui est le plus qui répond le mieux. C'est ce que j'ai eu le plus de la série de Star Wars. Le premier film, la scène de course, ça dure quoi 20 minutes, elle est longue, elle est plate. Ouais, c'est vrai, hein. Ah, elle était longue. Quand tu y penses. Ah, écoute, c'était très long. C'est parce que vraiment, il faisait le tour complet, 3 tours, tu le voyais au complet. C'est comme, non, c'est pas ce jeu. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Et toi, Big Ben? Oui. Ben, moi, de mon bord, j'ai fait le Your Shape, comme vous avez vu. Sinon, je suis beaucoup encore sur la Wii, c'est en site. Je joue surtout à Mario Bros. Intensément, je sais pas pourquoi, j'ai comme un beat de ça. Lequel? Mario 3. Oh, c'est not sweet. Oui, c'est vrai. Nostalgie. Effectivement. Alors, oui, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce jeu-là. Sinon, il y a d'autres jeux que je joue récemment. Je joue à Xenoblade. Je vais essayer de faire une critique à la fin du mois. Je veux pas, le jeu est très gros, fait que ça prend un petit peu plus de temps à jouer. Mais c'est vraiment le fun. Sinon, à part ça, ben, je me suis pogné des petits jeux pas chers chez eBay Games hier. Ouais. J'ai réussi à m'en sortir 4 jeux PS2 pour 11,5$. Alors, je trouve que j'ai fait des très bons deals. Très bon deal, en effet. Là. Wow. Lequel déjà qui t'a coûté 2$? 9. Beautiful Joe. Ah oui. Tu vas adorer. Tu vas vraiment, vraiment, vraiment adorer. Ben, j'avais déjà joué à la version. J'avais déjà joué à la version GameCube. Fait que je savais c'était quoi le jeu. Mais pour 2$, là, sérieusement, là. C'est quasiment donné. C'est donné. Oh oui. Puis hier soir, je me suis fait du fun. J'ai repogné Evil Dead sur Xbox. Le Boomstick. Oui, c'est ça. Puis, trop hot. Trop hot. Et ça, c'est un jeu qui a eu des mauvaises critiques, alors que tu dis que c'est hot. Moi, je l'aime. Sérieusement. Bon, c'est ça. Écoute, c'est le fun des fois des opinions différentes. C'est parce que c'est sûr que à l'époque où c'est sorti Evil Dead, ces jeux-là, c'était pas le meilleur côté parce qu'ils sortaient déjà pas cher. Ils sortaient comme 30$. Mais l'histoire dedans était 40. T'as quand même Bruce Campbell qui donne sa voix à Ash. Il faut lui donner quelque chose de plus. Puis sérieusement, j'aime voir approfondir l'histoire d'Evil Dead au-delà de Army of Darkness. Fait que tu sais, c'est vraiment cool. Bon, Marilyn n'a pas vraiment écouté ça parce qu'elle aime pas vraiment ce genre de film-là, là. Boo! Ah, ben... C'est mon opinion, j'ai le droit de la garder, d'accord? J'avoue que la première fois qu'elle a vu le film, elle est rentrée chez mes parents à l'époque, puis tout ce qu'elle a vu, c'est quand le Ash se fait asperger de sang par une colonne de sang quand il a tiré dans le mur. Ça, c'est dans le premier ou dans le deux? Dans le premier, ça? Dans le deux. Dans le deux? Ah. Dans le deux. Oui, dans le deux. T'as eu peur de ça? T'as eu peur de... dans le fond, ce qui est la parodie de Evil Dead 1? Ben, en fait, le hic, c'est que je déteste le sang. Le seul sang que je tolère, c'est le mien. Donc, en partant, je pense que c'est la journée de l'Halloween en plus. Puis, j'arrive chez Benoît, puis il y a ça qui arrive dans l'écran de télé. Je fais comme, oh, chouette! Ben oui, t'es chouette? Non, pas vraiment. Ok, c'est pas chouette moi, d'abord. Moi, je partais à rire. Je trouvais ça drôle. Puis, moi, le 2, il est drôle. Le 2 est drôle. Le 2 puis le 3. Le 3 surtout, c'est le plus comique, là. Puis c'est le moins sanglant, mettons, là. Non, c'est le plus absurde. C'est le plus absurde. Mais maudit que je ris dans ces films-là. Mais même le premier, là. Au début du film, tu vois une fille se faire violer par un arbre. C'est comme, what the fuck? Un arbre? Mais en même temps, c'était plus. Tu sentais une plus grande tension. Tu sentais une plus grande peur. Une plus grande épouvante dans le premier, dans l'original Evil Dead. Oui, effectivement. Que dans les deux autres films. Oui, oh oui. Le temps qu'arrête, Ash qui voit ses amis mourir un après un. Même si on en parle, même si on raconte l'histoire d'Evil Dead, faut que les gens le regardent. Oui, écoutez, c'est un incontournable. C'est un incontournable. Surtout, prenez-le pas comme un film d'horreur. Prenez-le vraiment comme une comédie adulte, une comédie d'horreur adulte. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, Marie, tu fais partie de la gang. Ah, ben cool. Je vais y faire écouter à un moment donné. Oui. Et on va faire une vidéo, ça va être Marie réagit à Evil Dead. Oui, un petit peu comme Joe Wario, qu'est-ce qu'il fait avec les jeux d'horreur, là? Oui, c'est intéressant. Très intéressant, même. Ouais, il faudrait peut-être que... Ah, ça serait un défi à faire pour l'Halloween de Marie-Lune. Tu fais jouer un jeu d'horreur? Me faire jouer à un jeu d'horreur. J'ai Fatal Framer chez nous. Ouais. Non, je m'en ai dit Silent Hill le premier, mais c'est pas... J'ai Silent Hill le premier chez nous. Mais si vous voulez faire vraiment jouer à un jeu qui est horreur pour moi, faites-moi jouer genre à Anna Montana ou The Roll Exploratrice. Ça, c'est horrible. Non, c'est juste poche. C'est poche et horrible en même temps. Ouais, mais c'est pas d'horreur. Tu verras pas Anna Montana se faire arracher la tête. Ça serait cool, par exemple. Ça, ou Dora qui se fait tuer, ou qui est haché en deux, ça serait drôle, ça. Bon. Steve, quand même, une certaine valeur. J'avais écouté Dora comparé à Magic is Magic. T'aimes Dora l'exploratrice, sérieux? J'ai jamais écouté ça. Fait que je peux pas vraiment le juger. Mais si je me fie sur ce que Kevin Smith a dit dans ses Q&A, Dora, actuellement, c'est bon. OK, il prétendait être gelé, mais selon lui, c'était bon. Ouais, mais tu Il sais. prétendait être gelé. Faut pas oublier qu'il prétendait être gelé. Ouais. Qui c'est quand même mieux, Dora l'exploratrice, qui va éduquer ton enfant des trucs culturels et factuels que, mettons, SpongeBob? Ou les Lui, Télétobies. ou les Teletubbies, qui eux autres encouragent L'imbécilité. de façon assez extrême que avoir de l'ADD, c'est cool. De la déficience d'attention, mon Dieu. Il y a quelqu'un C'est qui a une dommage. déficience d'attention à soi. Non, moi, c'est de la déficience La dyslexie. quasiment dyslexie vocale, oui. Ah, ok. Si ça existe. Oh, sûrement, je sais pas. Mais en tout cas, Non, c'est ça. Non, ça s'appelle du on appelle bafouillage. ça de la fatigue aussi. Non, je suis en forme. Ah, ok. Regarde, comme je te dis, je fais plus des voyages de quasiment 4 heures par jour. Je fais juste des voyages de à peine 2 heures par jour. Ouais, j'avoue. Fait que c'est le voyagement surtout qui me tuait à mon ancien job. Ah, ok. Tu vois, je pensais à un film pour Marie, là, pour l'Halloween, qu'on pourrait y faire écouter puis qu'elle ferait une fin de critique, là. Ça serait Twilight. un peu moins épais. Non, pas Twilight, Twilight, ça. Regarde, t'as-tu vu qu'est-ce que ça a fait avec Just Non, Player? pas Twilight, pas Twilight. Vous voulez pas me rendre folle, là, hein? Hey, c'est la revanche de Just Player. Tu l'as fait subir à Just Player, c'est juste fair que toi, tu goûtes à ta propre médecine. Mais si vous voulez me faire écouter un film de Twilight que je vais vraiment m'endormir dessus, c'est le dernier qui est sorti. Ah, Breaking Dawn. Le Ouais. fardeau de la série Twilight. À Ouais. quel point? Le plus mauvais des mauvais des mauvais des mauvais. Et Il des sortait. ridicules. Il devient ridicule. Mais déjà en partant, parce que j'ai vu des quand je présente ça, j'ai vu plusieurs critiques de Twilight. J'ai vu plusieurs critiques comme. T'avais E-Rod, Blockbuster Buster, qui critiquait Twilight. Je pense que t'avais. Je sais plus si Lindsay, Nostalgia Chick, avait critiqué Twilight. Bon, aussi, nécessairement, Just Player. Dieu est son âme. Et où c'est que je veux en venir? Oui, on le C'est. salue. Lui. Où c'est que je veux en venir? Oui, on s'ennuie de Just Player? Oui, il y avait des. C'était intéressant son concept d'émission, mais bon. Oui, on s'ennuie beaucoup de lui. Mettons que c'était le seul critique sur le site qui était, comment dire, qui se donnait corps et âme dans ses critiques et que souvent ça l'a fait périr. Ah, ben c'est l'expérience, je veux dire. C'est l'expérience, que c'est ta créativité. Si, qui sait, peut-être que Jess, quand il va avoir la piqûre créative qui va revenir, il va peut-être le faire. Va falloir qu'on conquête un ouais. Va falloir qu'on caste un sort de res sur lui, tu sais bien. Et voilà. Mais ce que je veux dire par rapport à Twilight, c'est. Moi, c'est quand j'ai vu la scène de. Il joue au baseball. Ah, ouais. Il joue au baseball! Des Ce n'est pas. fucking vampires qui jouent au baseball. What the fuck? Ou qui grimpent dans les arbres comme des singes Non, ou mais qui ça. brille au soleil. Non, ça, c'est parce que c'est des vampires assez faibles. Ils ont juste Ah. une force surhumaine, mais techniquement, dans le fond, c'est ça l'affaire. T'appelles ça des vampires? Non, ce sont des Dampires! Dampire. Dampire. C'est Ouais. ça le problème avec Twilight, c'est ça tue le mythe, ça tue le mythe du vampire juste parce que les vampires c'était ou c'est à la mode. Puis dans le fond, Myers dit ah ben m'a introduit également un aspect catholique là-dessus puis m'a fait de l'argent. Puis je vais scraper tout. Le bon dans les bons. Ah oh my God. Oh, play, on est en train de perdre PL. Veux-tu un morceau de robot? Oui, ça lague. Et ça Ça coupe. lague. Ça lague. Pour absolument plus raison. Alors, écoutez, Zachro, Ah non, ça lague. On va prendre une petite pause pour tenter de trouver une situation à réparer la connexion à Antithèse et on revient après la pause. Hey guys, what's going on? You are listening to Le Podcast de Echo with Big Ben and Reviewer C. I'm Mike the Birdman Dodd, and trust me, this show doesn't suck. Hey, on est de retour! Salut! Alléluia! Alors, vous n'entendez pas la voix robotique, mais bien la voix suave de notre chère Antithèse qui est finalement. Non, je parle. Non, c'est pas vrai. C'est. Mettons que c'était très très saccadé, mais bon, on a réussi à trouver le problème. Ouais, il a récupéré ses morceaux de robot, donc il est correct. Yes. Donc, pour vous, gentes dames, la voix sensuelle de Antithèse va être à vos oreilles pour la prochaine heure. Et son bafouillage immanquable. Effectivement, mais ça, tout le monde on le fait. On est en podcast live, alors c'est une chose qui est à peu près normale. Oui, puis c'est la partie de ta personnalité. Alors, là, on parlait de films d'horreur, on parlait de Evil Dead, et on cherchait un film d'horreur à faire écouter à Marilyn. Ou un jeu. Ou un jeu. Et j'ai pensé à quelque chose pour un film d'horreur qu'on pourrait y faire écouter à Marilyn. Ce serait peut-être un film qu'elle serait contente d'écouter. Et j'ai pensé pour le film House of Wax avec Jack Wash! Paris Hilton. Non! Pas avec Paris Hilton qui se fait bouffer par de la cire. Ah! Non, c'est pas ça. Elle mange une lance dans la gueule. Ouais, mais même là, ça vaut pas la peine. Là. C'est Paris Hilton pareil. Tu savais pas? Quand le film il est sorti la première là, du cinéma, là? Quand ça s'est fait à Hollywood, quand elle est morte dans le film, le monde a applaudi. Tant mieux. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai en plus. Je voudrais tellement pas être à Paris Hilton dans ce moment-là, parce que tout le monde part à applaudir. Avec t'es dans la salle, c'est comme, ok, le monde m'aime pas. Non, elle s'en fout, elle est riche. Elle est riche, puis elle est blonde, puis elle a tout ce qu'elle veut dans la vie, sauf une voix qui a de l'allure quand elle chante. That's it. Et voilà. Mm-hmm. Mais vos suggestions sont appréciées pour ce défi-là qu'on va faire à Marilyn d'ici le temps d'Halloween. Sérieusement, il faut qu'on fasse de quoi avec Marilyn parce que c'est une fille qui ne tripe pas horreur. Alors, il faut confronter sa peur, ce serait quelque chose d'amusant. Et j'en connais un qui va vraiment rire quand ça va se produire. Wow! Ok, ouais. C'est Dracula. Effectivement. J'adore Dracula, par exemple. Le film est très bon. Oui, absolument. Non, mais elle parle pas de l'original de 50. Je pense qu'elle parlait plus du film de 80. Bram Stoker, ouais. Oui. Mais j'ai vu un coffret où est-ce qu'il y avait le film original de Dracula, Frankenstein, The Bride of Frankenstein, puis The Monster from the Black Lagoon. Ils étaient ensemble pour 15$. Chez Walmart. Je pense que c'était chez Walmart, mais j'ai vu, je pense, chez HMV, moi. Oh, nice. Alors, ça va être probablement un film que je vais vouloir acheter pour ma collection. Puis notre collection, qui est quand même assez grosse, je dirais. Je vais probablement regarder ça avec Marilyn, le mois de juin, là. On va peut-être faire une vidéo de nos collections de films et de jeux, là. Ça va être quelque chose. Puis je vais peut-être même te demander, Antithèse, de venir animer cette émission-là. Soit l'animer, ben où? On m'a rendu là, soit l'ennemi ou aider la caméra là, whatever. Ça me ferait plaisir, ça, c'est ça mon point. Puis moi j'aimerais ça, à un moment donné, vu que la collection de DS et de jeux 3DS commence à grossir, peut-être que je vais pouvoir faire une mini collection de ça. Qui sait? Mais sinon, t'as quand même une papier de collection, Marie? Quand même, ouais. Ah, si tu devais penser, je me suis finalement procuré un des professeurs Layton. Oh non, j'en ai un moi aussi, c'est lequel que t'as? Unwounded Future. Ok. Mais c'est ça qui me purge, qui me fait essayer de. D'avoir acheté le jeu. C'est le fait que. Il va en avoir 6 en tout. Ok, cool. T'en as 4 au DS, réguliers. Mm-hmm. Puis il y en a 2 qui sont supposés être prévus pour la 3DS. Oh, intéressant par exemple. Ah. Alors, mais par contre, je suis quand même genre là, je suis vraiment commencé à questionner une nouvelle série de jeux. Encore là, qui sait, si jamais, ou dès que je vais essayer Unwounded Future, peut-être qu'ils vont tomber en amour avec cette série-là. C'est un, moi, on m'a recommandé Professor Layton parce qu'apparemment, c'était le, dans le même style que Seven Guests pour les puzzles. Des puzzles assez bien faits et même si ça a l'air enfantin, les puzzles peuvent être tordus. C'est des vrais brain teasers, à ce qui paraît. Je n'ai pas encore essayé, mais j'ai bien hâte d'essayer. Moi aussi, je l'ai. J'ai pas encore eu la chance de jouer, mais tu me donnes le goût d'y jouer vraiment, là, présentement. Donc, je vais peut-être le mettre dans ma 3DS très prochainement. Ouais, ouais, ouais. Bonne idée, ça. Bonne idée, ça. Puis, on comparera des notes au pire. Ouais, ce serait le fun, ça. On pourrait faire une critique à deux. Qui sait? On pourrait peut-être faire une critique à deux. Qui sait? Mais oui! Ça pourrait être intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de critiques de jeux sur le site qui ont été faites à deux. Ouais, coopérative, là. Le plus souvent, c'était moi puis CE, mais depuis quelques temps, on n'a pas eu ben la chance de travailler ensemble. Mais non, ça serait peut-être une option à faire. C'est le travail fort. Effectivement, oui. Il était censé être là ce soir. Malheureusement, il y a eu un contre-temps qui l'empêche d'être avec nous. Mais inquiétez-vous pas, on va travailler fort pour que CE soit là dans le prochain podcast du mois de juin. Et bon, on va en reparler de ça parce que je veux peut-être faire quelque chose de spécial pour le mois de juin, mais je vous reviens là-dessus. Alors... Et il serait important également de mentionner que CE également vous manque. Oui. C'est hard de faire un podcast. C'est vraiment le fun de faire un podcast. Moi, j'adore faire les podcasts. Je suis toujours excité d'en faire un. De jaser avec vous autres, puis de parler du jeu vidéo, de films, puis quoi. C'est vraiment le fun. C'est le fun, c'est relax. Moi, j'aime de plus en plus ça. Je suis de plus en plus à l'aise à faire des podcasts avec vous autres, la gang. Vraiment, là, c'est ce que j'aime faire. Puis ce qui m'a porté et ce qui m'a amené aussi à faire des lives comme celui que j'ai fait hier. Là. Vraiment, c'est le contact avec les gens. Puis le contact, les réactions par après aussi qui sont le fun. J'ai failli assister à ton live en passant. Pourquoi t'es pas venu? Très bonne question. Très, très bonne question. Très, très bonne question. Parce que le pire, c'est que j'étais averti par Hotmail. Oh, Marilyn va faire un podcast live. Ah bon? Honnêtement, je ne sais pas. Puis, gars, comme tu as pu voir, lui, mon ordi a déjà assez de misère de même. Il faut que j'essaie de trouver c'est quoi le bobo. Est-ce que j'aurais toffé ton podcast live? Peut-être avec acharnement. Mais en fait, la façon dont ça fonctionnait, c'était sur Blog TV. Fait qu'il y avait un chat à côté. Mm-hmm. Puis moi, de la façon dont j'étais, mais malheureusement, ma caméra n'a pas fonctionné. En principe, vous auriez pu me voir live, puis j'aurais pu répondre à vos questions live, sauf que j'avais juste finalement mon micro parce que la caméra a décidé de faire sa capricieuse hier. Webcam? Ouais. Ben, ça va être un achat prochain, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez venir à un moment donné, je vais sûrement le mettre sur Facebook et puis sur Twitter pour ceux qui me suivent sur Twitter. Plus d'avance que hier, par exemple. Là. Je l'ai dit peut-être une heure et demie d'avance. Mais je vais fixer une date, puis je vais vous dire à ce moment-là, quand est-ce que ça va avoir lieu? Ok. Alors, là-dessus, on va commencer à parler de nouvelles. Pour commencer, je viens tout juste de voir une image du sujet qu'on va avoir aujourd'hui, The Avengers, qui va sortir une collection de canettes de Dr. Pepper, des Avengers. Dr. Pepper. Ok. Ça m'étonne pas. Où est-ce qu'on voit l'image de chacun des personnages sur une canette? Ça me rappelle le bon vieux temps. Je sais pas si tu t'en souviens, PL, quand Star Wars était sorti, épisode 1. Oui. Où est-ce que tu avais Pepsi qui sortait chacune des canettes d'un personnage puis qui montrait un petit background en dessous, là. Et je t'apprends sûr que JP et d'autres geeks, vive les geeks en passant. Oui. Vive les geeks. Je t'apprends sûr qu'il y a une certaine d'entre vous. Qui ont encore aujourd'hui ces mêmes canettes-là en collection. Moi, je les ai toutes jetées. For shame! J'avais plus de place! Ça, c'est vraiment une bonne raison, malheureusement. Oui, j'avais deux raisons. La première, j'avais pas de place. Deuxièmement, ma mère a fait « Quand est-ce que tu vas jeter ces canettes-là? » J'avais comme pas bébé choix. Alors, j'ai eu la même question parce que je conservais des Broad de Pringles quand j'avais 17-18 ans. Oui, j'étais weird dans ce temps-là. Oui, t'étais weird. Certain que j'étais weird. Et proud of it. Proud of it. Ah, mes amis. On voulait juste vous faire un petit shout-out pour la 2000e de Monsieur Net. À Marie-Lune et moi, on a participé. Oui. Ah! Pauvre PL qui était sur Twitter et qui m'a envoyé des messages. Chanceux. De ce genre-là. Pauvre lui. Il faisait pitié. Oui. Mais bon, écoutez, ça a été le fun. Personnellement, j'ai adoré la 2000e. C'était très... c'était le fun. Il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Mais on était tellement tassés qu'on pouvait pas faire grand-chose. Il faisait très chaud, mesdames et messieurs. Parce que vous aviez à peu près 300 personnes dans cette salle-là, avec des spotlights dans la lumière. Ah, Seigneur, l'enfer. Plus les caméras qui roulaient, tout ça, là, donc on s'entend-tu que il y a une petite énergie dans l'air. Oui, puis on a eu aussi, après ça, on a pu rester un petit bout de temps à l'intérieur, on a joué à des jeux, on a pris quelques photos, j'ai eu des shout-outs, je vous ai des messages de Denis Talbot puis de FT Tank pour le podcast. Nice! Oui, c'est vraiment cool. Puis c'est vraiment nice. La seule chose que j'ai comme pas aimé, c'est qu'on s'est fait vraiment tasser à la fin du show. Ben, à la fin du party, le monde de la sécurité, genre, il était vraiment dans notre cul pour nous sortir, là. Puis c'était comme, j'avais quasiment envie, si t'attends de voir mon cul, viens me voir dans un coin, puis m'a te le montrer, là. Mais bon. Ah, ça n'a vraiment pas de classe, fuck! C'était très oppressant, selon moi. J'ai trouvé ça très, très, très. On sentait quasiment entouré de gardes de sécurité à la fin. Là. C'était vraiment, vraiment étouffant. C'est pas oppressant, c'est étouffant, dans un sens. Ouais. Voyons donc. Vous sortez, puis vous sortez civilement. Là, je parle pour les 300 personnes. Est-ce qu'il peut, justement, ne pas vous pousser dans le cul? Garde, Cristal, c'est pas prendre une demi-heure, même une heure. Écoute, ça prendra une demi-heure puis une heure, au moins tant que ça se fasse dans l'ordre et dans la clémence. On s'entend-tu qu'on n'était pas dans une manif contre la hausse de scolarité, mettons, là? On était vraiment très, très, très le fun, là, très, très calme, là. Effectivement, puis bon, c'est peut-être parce que l'équipe voulait passer du temps ensemble, je peux comprendre un peu, mais tu sais, moi, on attendait après Denis Talbot, parce que Marilyn, elle voulait se faire signer sa carte, de M. Net, puis le gars était comme... avez-vous fini, là? Tu vois bien qu'on est dans le fil, là, pour aller... pour aller se faire photographier. Pendant ce temps-là, OK, si t'en allais voir quelqu'un, t'as-tu fini? Bon, ben, dehors. C'était comme... Oh, Talbot, ça, ou la sécurité? La sécurité, non. Talbot, super nice. Il était vraiment gentil. Il a même parlé à la sécurité. Garde, ils sont là depuis un moment. Je vais leur parler, là. C'est beau. Ça va prendre 2 minutes, là. C'est correct, là. Il était vraiment gentil, là. Il a vraiment pris le temps avec tout le monde pour jaser avec les gens qui étaient venus. C'est vraiment fin. Merci beaucoup, monsieur Denis Talbot. Franchement, là, très gentil. Fidèle à sa réputation, donc. Oui, mais c'est un gars qui est terre à terre, sérieusement. C'est pas quelqu'un qui est... comment dire... tu sais, des fois, j'entendais, quand j'étais jeune, que Denis Talbot, c'était une tête enflée, là. J'en ai entendu tout ça, là. Mais non, il l'est vraiment pas. Il a pris son temps, il a jasé avec nous autres, puis... Super open, puis... Oui. Oh, pauvre fuck. Claude Rajotte, je l'aurais plus cru, mais Denis Talbot, jamais de la vie. OK. Jamais de la vie. Je sais pas pour... je le connais pas assez. Ben, je connais Rajotte de réputation, là, c'est à peu près tout, là. Mais, faut donner ça à Denis Talbot, c'est un gars vraiment nice, très proche du monde, puis son équipe, il l'a vraiment choisi parce que c'était du monde qui était proche. Frank Dutin qui m'a jasé pendant un gros 15 minutes, on a jasé de podcast, c'était vraiment cool. Cool. On a discuté de choses qui étaient, ben tu sais, comme moi, qui étaient importantes parce que je voulais savoir par rapport à des questions par rapport au podcast, comment ça se passait, parce que lui, il anime l'analyse des geeks, c'est un podcast que je suis à chaque semaine, que j'adore. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, non, j'ai beaucoup appris, puis c'était vraiment le fun d'avoir pris du temps à jaser avec nous autres. Puis aussi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'on a pu rencontrer d'autres geeks, d'autres podcasts aussi, les jumeaux techno, on a pu les rencontrer. Et d'autres sont vraiment cool. Ils sont vraiment gentils, là. Puis comme vous avez pu voir dans mon vlog de Geekette, là. Ça, j'ai bien aimé. Merci beaucoup. Ils ont vraiment pris le temps de jaser, puis on a marché avec eux autres, puis c'était vraiment agréable, là. Franchement, là, j'étais en tout et partout, cette soirée-là était très, très bénéfique pour nous autres, je pense. Oui, c'était vraiment cool, mais nous autres, on a pu jaser un peu avec eux autres. JP était avec nous autres, on a niaisé un peu. Vu que je veux pas, JP Cardin, il est assez fou quand tu le connais personnellement, là. Il est vraiment nice. Puis, non, on a eu une très bonne soirée. Dommage que tu n'as pas pu être là, PL, parce que ça aurait été vraiment cool de t'avoir. T'avoir faire un câlin à JP Cardin, ça aurait été drôle. Mais est-ce qu'il aurait accepté? Ben, il a bien accepté moi. On était une fille. C'est pas grave, j'ai fait un backside. Il s'en est même pas rendu compte du coup, puis il a même ronronné quand je l'ai fait. C'est cool. Ok. Bon. Fait que sinon, à part ça, ben, je pense qu'on va se lancer dans les nouvelles. On a à peu près cerné par rapport au 2000e de Monsieur Ness. C'était vraiment cool. J'ai rien d'autre à dire. C'était vraiment. Moi, j'ai adoré ça. Sérieusement. Alors, on va partir des nouvelles. On a quelques nouvelles de cette semaine de jeux vidéo qu'on va discuter ensemble. Et à la fin, on a notre sujet du jour qui est, puisque on va parler de The Avenger. Alors, on va commencer d'abord avec les nouvelles. On va commencer avec une nouvelle qui a fait verser une larme à Marilyn tantôt. Yep. Une nouvelle couleur de 3DS qui va sortir, qui est... Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par les nouvelles couleurs? Tu veux dire les nouvelles 3DS, leur carapace, là, leur motif? Ouais, une nouvelle couleur de 3DS. OK. Qui est la mauve. Mauve minuit, qu'ils appellent, là. Midnight Purple. C'est ça. Elle est vraiment belle. Vraiment belle. Moi qui aime le... OK, je suis peut-être fille, là, mais j'irai pas chercher une console portable rose, mais la mauve est vraiment belle. Sérieusement. Mauve, nice, pareil. Pareil, oui. Là. C'est original. C'est la première fois que je vois une console portable mauve. Puis je trouve que c'est vraiment beau. Attends, même les premières générations de 3DS, il n'y avait pas des mauves. Peut-être non. Des tonalités de mauve. 3DS, il y avait. Quand noir, ça sort, puis non, noir puis bleu. Non, je voulais dire l'original DS. Ah, la DS. Non, non. Elle n'avait pas. Je te dirais que la couleur ressemble beaucoup à la couleur originale de la GameCube. Oh, sweet. C'est pour ça que j'ai fait « C'est tellement beau! » Certains mauves, là, c'est dans ce genre-là, sérieusement. Moi, je le trouve beau, mais j'aime mieux mon rouge. Mais Marilyn, elle veut quasiment vendre son 3DS. Non, non, je veux pas vendre mon 3DS. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Non, mais sérieusement, j'ai vraiment fait « Oh, maudit, pourquoi ils l'ont pas sorti avant? » Mais... Et pendant ce temps-là, ils sortent des 3DS roses pour essayer d'attirer le marché féminin, et ça l'a foiré. Ça l'a foiré. Ben, mais la mauve, oui, ça va être tellement plus... je pense que c'est plus vendeuse. Ben, je pense aussi que la mauve va être plus vendeuse. J'en ai aucune idée, moi. Mettons, couleur, je suis peut-être pas le meilleur spécialiste, là. Vu mon daltonisme, mais... faut dire, moi, en tout cas, j'aime bien mon DS rouge, puis je pense pas le changer. Mais j'aurais vraiment voulu avoir mon DS édition spéciale Zelda, là, que je suis vraiment déçu de pas avoir eu, là. Mais c'était une édition très limitée, par exemple. Oui, mais c'est parce que le pire, c'est que lorsque j'étais en magasin, j'étais allé au Superclub d'Audron pour acheter mon 3DS. Yes. J'ai demandé, hey, sais-tu quand est-ce qu'il sort l'édition spéciale de la 3DS de Zelda? Ah, comme, oh non, on l'a pas en commande. Bon, ok, là, de moins à rouge. La fin de semaine suivante, elle sortait. Là-dessus, je te dirais que c'est pas forcément blâmer le commis parce qu'effectivement ils sont pas mal gardés dans l'ombre. J'ai discuté avec d'autres commis de différents microplays puis ils aimeraient ça savoir mais ils en savent pas tant que ça. Ce qui est vraiment pas convenient quand toi en tant que fan c'est de savoir pour admettons quand est-ce que la 3DS édition Zelda va sortir. Ouais mais tu sais je veux dire moi quand je travaillais chez Microplay j'étais vraiment faut être passionné pour travailler dans un magasin de jeux vidéo. Puis, oui. Parce que ton monde, il est passionné. Oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu peux pas toujours te renseigner, être à jour à tous les jours, mais de connaître un peu tes produits, de connaître les nouveaux produits qui s'en viennent, c'est quelque chose que tu peux faire. C'est mon conseil que j'ai au monde qui travaille dans les magasins. connaissais un peu votre stock. Tu te rappelles-tu, PL, lorsque je jasais dans un podcast où est-ce que je m'étais fait envoyer chier par un vendeur chez GameBuzz? GameBuzz, ouais. Puis en plus, chez qui tu parles, chez de quel magasin tu parles. Il est plus, je pense qu'il est même plus là pour première des choses. Ben, le magasin est encore là, mais là, je sais pas si... Il est si encore là. Mais je sais mais pas si ce gars-là, il est là. Non, je pense qu'il est plus là. Ben, j'y souhaite. Parce que, sérieusement, là... Non, c'était vraiment pas cool. C'était vraiment pas cool. C'est de l'anti... customer service. Oui, totalement. De se faire envoyer chier par un vendeur, j'ai jamais traité quelqu'un de marde de même. Jamais en 10 ans. Je dis ça de même, ouais. À peu près 10 ans de que je travaille dans un club vidéo, puis j'ai servi le monde, là. J'ai toujours traité de la meilleure façon possible. S'il faut être professionnel, peu importe le métier que tu fais, c'est ton droit d'être professionnel, c'est une obligation. Peu importe qui est le client, tu sais, c'est une obligation d'être professionnel, peu importe ce que... C'est une marque de respect aussi. C'est le client, c'est lui qui va acheter tes affaires, là. C'est lui qui paye ton salaire en bout de ligne. C'est ça. Puis, tu sais, ton boss veut pas, il est derrière, il va te checker, puis il va te le dire, tu sais, tu fais pas bien ta job non plus, tu sais. Fait que... Non, ouais, je la comprends. Je trouve ça vraiment plate que ça marche pas de même, là. En tout cas... Mais c'est mon avis personnel, puis regarde, je mettrais pas à changer les commis de vendeurs dans les magasins, mais... À moins que tu sois boss. À moins que je sois boss. Ben, de toute façon, les magasins de jeux vidéo vont bientôt disparaître. Veux pas. Malheureusement. Comme la prochaine nouvelle de Nintendo, que je vais vous en parler là, c'est que la Wii U va permettre de downloader des nouveaux jeux qui vont sortir en même temps que sur l'étagère. Un petit peu comme la PS3 puis la Xbox 360 puis les prochaines consoles s'en viennent. Fait que, tu sais, faut s'attendre à ça de toute façon. Les magasins vont peut-être pas réussir à survivre. Les Game Buzz, les Microplay, tout ça, ils vont bien... Les GameStop... Ils sont en voie de disparition. Sérieusement, moi, c'est ce que je vois. D'ici 5 ans, on va avoir au moins un ou deux compagnies qu'on connaît actuellement qui vont disparaître. Ça, c'est à moins qu'ils changent leur façon de faire. Oui, mais ça va être difficile. Parce que, regarde, ils font tout leur argent avec les jeux usagés. Oui. Et dès que tu as déjà que les consoles vont être pluggées 24 heures sur 24 Internet et qu'il va y avoir des DRM qui vont vérifier que ton jeu est légal, que tu n'as pas acheté usagé, ça va avoir l'envie du monde. Oui. Oh, que oui. Ça va être discuté, ça arrive d'être encore discuté pour les prochaines années à venir. Je pense que c'est un enjeu qui demeure très important. C'est un enjeu qui également n'est pas assez discuté, n'est pas assez mis en évidence. Oui, effectivement. On va voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Ils vont peut-être développer des stratégies, peut-être. Mais sûrement aussi que les compagnies de jeux vidéo comme Sony, Xbox puis Nintendo vont devoir discuter avec les vendeurs parce qu'ils veulent pas, s'ils veulent vendre leur console. C'est pas tout le monde qui va acheter leur console au Walmart, là, on s'entend. Fait que. C'est le contraire. Moi, je pense que si c'est ta choix entre Walmart et pas l'avoir, tu vas aller chez Walmart. Oui, peut-être. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'avais. La seule console que j'ai achetée chez Walmart, c'était mon PlayStation 2. Puis à l'époque, mon ancien boss de Jeux Express m'avait envoyé chier. Cette journée même-là, parce qu'il m'avait dit « T'aurais pu attendre! » Patrick Bonin. Patrick Bonin, sérieux? Jeux Express à Joliette. Ah non, c'est pas le même que je pensais, c'est bon. Tu pensais à qui? Un gars de Montréal. Ok, non. Que j'ai sur Facebook. Ok, non. Moi, c'est l'ancien entraîneur l'entraîneur des Pirates de Joliette, qui est une équipe d'accord. De football, puis l'ancien propriétaire de Jeux Express. Mais il m'avait envoyé chier, c'était la journée que j'avais acheté une PS3, une PS2 au Walmart, parce qu'il disait « Hey, tu viens de me faire perdre deux pièces de profit, tu aurais pu au moins encourager ton boss. » Il dit « Ben tabarnak, j'achète tous tes jeux à toi. » Ben, je pense que sont deux pièces... Il pouvait s'en passer. Non, je pense que le pire cette journée-là, je pense qu'il avait laissé 2$ dans sa caisse. Je disais, regarde, si tu dépasses de 2$, c'est à cause de moi. Grand cœur de Big Ben, hein? Grand cœur. Oui, j'ai un grand cœur. Je suis fait comme ça. Mais c'est parce qu'à l'époque, c'était quand même ma première job à moi, qui était de vendre des jeux vidéo. Faut entendre, un jeune, t'as 16 ans, t'as jamais travaillé de ta vie, puis on t'engage dans un magasin de jeux vidéo. Wow! Capote! Tu capotes. Surtout quand t'es un geek fini. Ben oui, à l'époque. Ben même, à l'époque, ça existait-tu le terme geek? Je sais pas. Oui, ça existait, ça a toujours existé le terme geek, c'était juste moins répandu. Ah, ok. Mais tu sais, je veux dire, à l'époque, c'est ça. Moi, j'étais jeune, j'avais besoin d'une job, je travaillais comme avant, je passais les journaux, j'haïssais ça à mourir. Fait que tu sais, quand Patrick Bonin m'a dit, Ben, j'ai besoin de quelqu'un pour vendre des hot dogs, vendre des vieux jeux, puis mettre des jeux vidéo dans les consoles, hey, embarque-moi, hein. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était la job idéale. Malheureusement, cette job-là va disparaître. Et les arcades n'existent plus. Alors, malheureusement, c'était un peu comme un arcade, tu sais. Ouais. Mais bon, c'était la job idéale de l'époque. Si vous avez la chance, si vous êtes jeune, vous êtes encore capable d'avoir une job de genre-là, allez-y, courez. Allez vous donner votre nom dans un magasin de jeux vidéo ou d'arcade. Sérieusement, c'est le fun. J'adore ça, mon expérience. Et habituellement, vous allez également avoir des bonnes relations de travail. Effectivement. En général. Oui, parce que la plupart du temps, c'est super friendly, ces magasins-là, en plus. C'est super relax, puis... Dans le sens que tu sais, vous êtes le même type de personne. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est... Moi, ce que j'ai vécu en tant que blonde de Big Ben, parce que ça fait depuis longtemps. Effectivement. C'était tellement une gang familiale qui se rentrait là. Hey, salut, comment ça va? Puis. Mm-hmm. Oh, oui, tout le monde. C'est rare maintenant, les magasins qui font ça. Moi, en tout cas, je trouve, là. Ben, je sais pas pour Montréal en tant que tel, parce que Montréal, c'est tellement une grande ville, puis il y a beaucoup de monde qui embarque que c'est pas évident. Mais Montréal, c'est froid là-dessus. C'est froid, ce oui, le monde est froid à Montréal. Comparé à, tu vois, vivre... Moi, quand je vais à Joliette, le monde me connaisse tout, ils me disent tout bonjour. Ou bien, je me fais arrêter dans le centre d'achat. « Hey, c'est toi qui vendais des jeux vidéo! » Ouais, c'est moi. J'étais quelqu'un de connu, un petit peu. Non, c'est sweet, pareil. Ah, c'est le fun. Et en passant, en réponse de combien de temps que Ben et Maria sont ensemble? 25 ans minimum! Pas autant que ça, là! Non, mais j'espère faire 25 ans minimum. Moi aussi. Mais non, ça va. Pédapi! Hein? J'ai dit pédapi! Oui, effectivement. Mais, tu sais, nous autres, on. Comment dire? On s'entend bien, Marie et moi. Fait que, tu sais, c'est normal, là. On s'entend, on jase tous les deux. Puis, tu sais, il n'y a pas d'être une croche à rien, là. Et voilà. J'entends les filles faire. Oh! Ben, c'est ça. Fait que un jour, PL va avoir sa Marie-Ève, mais entre-temps, moi, je la garde que pour moi. Non, garde-la pour toi. C'est bon. Sinon, on va continuer avec les nouvelles, parce qu'on a comme dérouté un petit peu. Alors, sinon, des nouvelles. Avez-vous vu la nouvelle par rapport au New Super Mario Bros. 2? Oui. J'ai entendu parler, moi aussi, un petit peu, oui. Cette fois-là, je pense que c'est moi qui ai posté la nouvelle sur la page Facebook de la Cour des Jeux. Voilà le point. J'ai carrément oublié. C'est pour la 3DS, hein. C'est pas pour la Wii U. Non. J'ai failli me tromper de console. Bref. À ce qui paraît, c'est la suite de New Super Mario Bros. Wii. De ce que je lisais, non, c'était plus la suite de celui qui était sorti au DS. Ah bon? Oui. Oh, okay. Parce que c'est vraiment... ben, c'est un side-scroller, gauche-droite, mais ça ressemble... Des images qu'on voit, ça ressemble vraiment plus à un... à un New Super Mario Bros. Sur DS, parce que le feeling quand tu regardes l'écran, c'est comme ça, on dirait. Là. Ok. Mais, j'ai vraiment hâte de jouer. Actuellement, moi aussi, moi qui n'ai pas forcément le plus gros fan de Mario Bros. Le nouveau Mario, il me tente. C'est vraiment, il me tente. Moi, il me tente bien gros, en tout cas. J'ai bien hâte de jouer. Maintenant, la question, est-ce que l'article dit si oui ou non on peut jouer à plusieurs joueurs et si oui, combien? Je vais checker ça rapidement. Donnez-moi un petit instant. Mais j'avoue que ce serait très intéressant si on pourrait jouer à plusieurs sur les 3DS. Ah oui, je pense bien qu'ils vont pouvoir. Yes. Ah non, non, excusez-moi, je me suis trompé. Parce qu'ils disent 7 qu'ils vont rajouter la fameuse Power Leaf qui était dans Mario Bros. 3. La feuille qu'on utilisait dans Mario Bros. 3. Mais oui. C'est ça. Ils ne parlent pas d'autre chose sinon. Vu que le jeu sort au mois d'août, on va avoir sûrement des nouvelles le mois prochain pour le 3. Oui. Mais probablement qu'on va avoir des nouvelles. Moi, je suggère fortement qu'on puisse jouer à plusieurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que c'était le gros fun de New Super Mario Bros. À la Wii. C'était exactement. Le gros fun de jouer plusieurs en même temps. C'est ça, puis si on pourrait le faire sur la 3DS, ce serait vraiment le fun parce qu'on pourrait jouer avec du monde de partout dans le monde. Ce qui serait vraiment le fun. Perso, j'ai confiance parce qu'il y a. Parce que même qu'on en parle ou pas, il y a un marché pour ça. Il y a un marché pour le multijoueur sur 3DS. Ah oui, il y en a parce que dans le Mario Kart 7, ils l'ont. Puis ça marche très très bien. Bon, fait qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne l'aient pas dans le nouveau Mario. On va espérer en tout cas, mais tu sais, je veux dire, de toute façon, ils ont juste à mettre Luigi puis une couple de personnages qui vont pouvoir faire un jeu multijoueur, là. C'est pas. Compliqué. Vraiment pas. Non, c'est vraiment pas compliqué, là. Fait que non, ce serait faisable, là. Je crois juste les doigts qui vont peut-être penser à nous sortir cette version-là. Mais on va avoir des nouvelles le mois prochain pour le 3. En passant, pour le 3, normalement, chaque année, je faisais une présentation vidéo du E3. Pour chaque grosse conférence. Cette année, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire vu qu'on a un déménagement début juin. Alors, mais je vais vous revenir là-dessus. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimais faire une présentation de la conférence et de jaser des jeux qui sortaient. Fait que, on va croiser les doigts que mon internet marche là. Peut-être au lieu de ça, faire un résumé et donner tes impressions ou vos impressions sur le E3. Oui, effectivement. Au lieu. On va checker ça, je vous reviens là-dessus. Là, il faut déjà que j'appelle Vidéo Shit pour aller me faire transférer mon internet. Mais, Oh, 50$! Non, c'est gratuit en ce moment. Ah, oh, yes! Alors. J'ai enfin compris. Alors, on va croiser les doigts entre temps. Ben bon, on n'est pas là pour jaser de Vidéo Shit. On va parler de d'autres choses. Quelques statistiques pour le Dragon Quest X. Dommage que notre cher Sylvain n'est pas présent ce soir. Oui, il est un fan. Shit. Qui est un MMORPG qui va sortir avec la licence de Dragon Quest. On dit qu'en ce moment, il y a plus de 17 000 personnes qui jouent à la MMORPG au Japon. Puis que ça va monter d'à peu près 30 000 à 50 000 d'ici la fin de la bêta. Wow! Et quelques statistiques également. On dit que il y a à peu près autour de... Les pics de connexion sont généralement autour de 22 heures, donc 10 heures côté France, et que les races sexes les plus utilisées sont le Widi, les ogres, les Picurico, je ne sais pas c'est quoi, les elfes, puis les Widi. Sûrement si vous connaissez la série, vous connaissez ça mieux que moi, là. Mais donc c'est. Je pense que c'est Pico Machin, c'est l'espèce de slime. Tu penses que c'est slime? Je pensais qu'il s'appelait slime. Non, mais je pense que c'est le Pico que déjà je me rappelle plus comment prononcer le terme. Je pense. Je suis pas sûr. OK. Ben, on va demander à. Je demanderai à Sylvain au prochain podcast de nous expliquer un petit peu le tout parce que j'ai le 9 en DS, mais j'ai jamais embarqué dans une game encore. Fait qu'il faudrait que peut-être que je me lance là-dessus. Un jour. Et bon, pour finir, on va sortir avec une nouvelle d'aujourd'hui qui est sortie, l'annonce du nouveau Sonic et Sega All-Star Racing Transform. Youpi! Alors, des images qu'on a vues, Aster Sonic va pouvoir faire la course dans son bolide également dans l'eau et dans les airs. On sait pas pourquoi, hein? C'est à peine copié sur un jeu que je connais. Ça ressemble. Borderlands. Non, Mario Kart 7. Non. Sérieusement, là, c'est du gros copier-coller. Ça se trouve, ils ont pris le même code. C'est fait par les. C'est juste les gars qui ont acheté peut-être la licence de Mario Kart 7. Pour combien de ça c'est? Je le sais pas. Puis dans les images que j'ai vues, la seule différence qu'il y a, c'est que à la place d'aller sous l'eau, comme Mario. Sonic va en bateau, son char se transforme en bateau, puis quand il va dans les airs, il se transforme en avion ou en fusée. C'est la seule différence. Point. J'ai fait comme, ben, voyons donc, trouvez donc une idée plus originale. Tant qu'à ça, là, c'est ridicule, là. Ouais, je trouvais, ben, bon, on va attendre les nouvelles. Il devrait sortir d'ici la fin de l'année 2012, probablement pour le temps des fêtes. Mais ça va peut-être être un bon concurrent pour Mario Kart. Le dernier était très bon, celui que j'avais essayé sur le DS. Alors, on va voir d'ici la fin de l'année si le monde aime toujours ça. Puis pour m'avoir personnellement, ben il va falloir qu'ils mettent plus de trucs que ça dans le nouveau Super All-Star Racing parce que présentement, si c'est juste ça, je ne l'achèterai pas, malheureusement. Effectivement. Alors là-dessus, on va partir dans notre sujet de conversation pour aujourd'hui le podcast. Vous savez tous que le vendredi, on a un grand film qui sort, le film The Avengers. Youpi! Alors, première question, ben, ceux qui connaissent pas les Avengers, on va expliquer un petit peu. Je m'étonnerais que vous ne connaissiez pas si vous écoutez notre podcast, mais on va quand même faire une petite description rapide. Marvel, c'est la compagnie qui produit des bandes dessinées, qui sont les plus reconnus, les personnages les plus reconnus dans cette série-là, c'est Spider-Man. On a Captain America, Iron Man, qui sont beaucoup de héros. Et un grand film sort vendredi avec plusieurs de ces personnages dans un seul film, et ça s'appelle The Avenger. Il y a aussi Hulk, que tu n'as pas nommé, mais je pense que tout le monde connaît pas mal les films en lien avec ces personnages-là, parce qu'ils sont tellement populaires, là, c'est fou. Hulk, Iron Man, Thor, Captain America vs. Avenger. Ça va être un gros, gros film. Alors, ben là, on va parler de discussion, un peu de ce qu'on connaît de ce monde-là. Bon, on a quand même un gros fan de la série qui sera pas présent ce soir, Sylvain, je sais qu'il adore la série, les bandes dessinées, mais on a quand même notre expert en bandes dessinées également ici, avec Antithèse, qui est un gros liseux de bandes dessinées. Quand même. Je t'avouerais que Avengers, c'est ceux que je connais le moins. Mais ça ne fait pas forcément dire que j'ai pas de connaissances. Surtout, comme j'ai déjà mentionné précédemment, j'aimais pas Captain America jusqu'à ce que je lise son personnage dans une adaptation de Daredevil. Actuellement, du comic book Daredevil Born Again, j'ai adoré comment que Captain America a été démontré. De même que le film a fait de moi un fan de Captain America. Parce que là, c'est plus un héros patriotique. Aveuglé que America, USA, USA. Non, Captain America est vraiment c'est qu'un héros est l'emblème du courage, l'emblème de persévérer, l'emblème de se tenir pour ce dont on croit. C'est ça, Captain America. Oui, effectivement, moi j'ai adoré ce film-là de Captain America. Je trouvais qu'il était simple. C'était agréablement surpris de Captain America. Oui, effectivement. Je trouvais que c'était un film qui était très simple comparativement aux autres films qu'on avait, comme Iron Man ou même Thor, il y avait un côté plus Hamlet de Shakespeare quasiment. Tandis que là, c'était un film simple qui montrait les débuts simples d'un personnage qui peut avoir une grande destinée. Là. C'est vraiment comme ça en pensant que Thor dialogue. Surtout la version de Thor qui est présentée dans les films. Le Iron Man que tu vois dans les films et Captain America que tu vois dans les films, écoute, juste en voyant Samuel L. Jackson qui fait Nick Fury, c'est là que tu vois que c'est pas la version originale de Avenger, mais la version ultimate de The Avenger. Autant intéressant, je peux me faire de l'intervention, c'est le fait que tu as deux films déjà sortis de Avengers qui s'appellent Ultimate Avengers 1 et 2, qui sont des films d'animation. Les films d'animation sont écœurants. Oui. Cependant, ne vous laissez pas prendre. Oui, ces films existent, mais de ce que je peux voir des previews, je crois que le film The Avengers qui sort ce vendredi, il va quand même demeurer très différent des deux films d'animation. Faut pas oublier non plus que The Avengers, ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale que ça existe, donc ça fait très longtemps. Donc, ils ont du matériel avec quoi jouer. Effectivement, ils ont beaucoup de choses à montrer, mais c'est sûr qu'une limite de film de 2 heures, limite un petit peu les interactions que tu peux avoir. Mais lorsqu'on va voir en ce moment sur Rotten Tomatoes, les premières critiques, surtout qui viennent d'Europe, ouais. C'est incroyable, là. C'est 98% de bonnes critiques. Wow! Donc, débile. Pourtant, Rotten Tomatoes sont assez sévères. D'habitude, ils sont assez sévères. Donc, pour que ça soit une si bonne note, je n'ai que ma barre d'expectation est dans son plus élevé en ce moment même. Est-ce que je peux faire un shout-out par rapport à The Avengers? Oui, vas-y. OK, j'aimerais aussi dire un petit salut à Marie-Claude Paradis et Beau Kelly, qui, je ne sais plus, sont en Australie ou, finalement, sont installés au Canada. Mais juste une chose à vous dire, c'est que je suis encore jaloux de vous autres, parce que eux, je pense que c'est les deux, ils viennent de l'Australie. Je suis jaloux de vous deux, parce que vous avez vu les Avengers avant nous autres ici au Canada. Effectivement, ouais. Même en France, nos amis français ont eu la chance d'aller le voir, là. Oui. Alors, nous autres, on est comme en train d'attendre un petit peu après les films. Alors, oui. Impatiemment. On va aller quand même le voir vendredi prochainement. Marilyn, toi, de ton côté, t'as commencé à écouter un petit peu Captain America, mais de ce que t'as vu, comment t'as aimé ça, le film? De Captain America? C'est bien. Moi, j'ai trouvé ça bien. C'est sûr que je l'ai pas écouté en entier, donc je peux pas vraiment juger en entier. Malheureusement, désolé. On va se reprendre cette semaine. On se reprend cette semaine, puis je vais l'écouter en entier, puis là, je vais pouvoir mieux vous en parler là, au prochain podcast. Merci. Mais sinon, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est bien. Je trouve ça bien. C'est une belle intro. Ben, j'ai vu la plupart de l'introduction, dans le fond, du film. C'est une intro que personnellement, me donne envie d'écouter plus. Donc, bref, j'ai bien aimé jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. On va voir pour le reste. Après ça, on avait l'autre film auparavant qui était sorti, qui était le film Thor. Ouais. Moi, je trouvais que dans la gang qui est sortie récemment des films de super-héros, le film de Thor était celui qui se démarquait le plus, comparativement à celui de Hulk, Captain America, puis de Iron Man. Tout simplement par sa scénarisation, son histoire qui est très, très détachée de notre monde, puis du côté plus mythologique également, l'explication un peu de la fondation du monde que j'aimais vraiment. Toi, que t'en penses quoi, Antithèse? J'ai un aveu à faire. Oui, vas-y. J'ai pas encore vu le film de Thor. Shame on you. Shame on me. Shame on you, mais j'ai même pas vu moi-même. Oui, tu l'as vu, t'étais avec moi. On t'est allé voir. Hey, j'ai une belle bonne mémoire, hein, la gang. C'est fou. Hein. Une chance que je suis là. Même Marilyn, on t'est allé le voir le soir même, puis il y avait quasiment pas un chat au Star City. Ça se peut. Ouais, je pense que ça nous avait étonné qu'un film de super-héros avait pas de monde de même dans la salle. C'est parce que Thor, comparé à Iron Man et Captain America, laisse un petit peu les gens à froid. On sait tous que Thor, c'est un dieu. Alors, comment est-ce qu'un dieu peut être forcément... tu sais, peut perdre contre un gars comme, mettons, les Skrulls ou Doctor Doom? Actuellement, c'est drôle de penser ça, parce que la vérité sur Thor, c'est un demi-dieu. C'est un demi-dieu. Le marteau le choisit lui pour une certaine raison. Et autant Doctor Doom que, admettons, je prends les Skrulls, ont failli battre Thor dans des moments critiques, jadis. Il y a toujours un moyen. C'est ça que les gens oublient. C'est qu'ils ont toujours, il y a toujours un moyen. Faut des fois se laisser surprendre. Oui, effectivement. Si vous n'avez pas écouté le film de Thor, allez-y. Hein? Oui. Mais surtout qu'il est en français, en plus sur Netflix. Fait que si vous avez pas la chance de vous louer un film, allez-y. Vous avez plus de raison de pas aller le voir, là. Effectivement. Mais sérieusement, pour moi, Thor, c'est un très, très bon film de super-héros. Puis je pense que ça vaut la peine de l'écouter avant d'aller voir Avenger. Je pense que c'est un des films le plus essentiel à écouter. Parce que c'est vraiment la suite de Thor. Parce que là, on comprend pourquoi que Lucky est là, pourquoi que les deux sont un petit peu en colère l'un l'autre. Je pense que c'est le point central du film, réellement. De ce que moi, j'ai compris sur The Avengers, qui est-ce que tu penses qui va être l'ennemi du film, Ben? Ben, des images qu'on voit surtout, c'est Lucky. Je sais que les Mystérieux Étonnants ont dit que c'était pas les Skrulls qui étaient dans le film. Ah non? Non, non. Les Skrulls sont... Bon, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi? C'est une race extraterrestre qui ont l'habilité de se transformer en ce qu'ils veulent. Ben, en personne qu'ils veulent. Donc, ils verraient Marilyn. Ben, je pourrais avoir un clone de Marilyn Skrull à côté de moi. Et je le saurais pas. Pauvre toi, t'aurais un clone de Marilyn. Vu que ben, ils peuvent pas l'avoir dans Avengers à cause que à Marvel ont fait une vente niaiseuse lorsqu'ils ont vendu les droits de Fantastic Four, parce que les Skrulls sont impliqués dans, plus particulièrement dans l'histoire des Quatre Fantastiques. Alors c'est une race qui est semblable aux Skrulls qu'on devrait voir. Ça me fait questionner parce que les Skrulls ont aussi eu leur guerre contre les Avengers. Ça c'est confirmé, c'est pas contre les Skrulls. De ce que j'ai entendu, sous toutes les réserves, mais de ce que j'ai entendu sur le podcast des Mystérieux Étonnants, ils pouvaient pas mettre les Skrulls à cause de droits, mais ils avaient mis un semblant de Skrull. Donc je sais pas c'est quelle sorte de race qui est là. Mais on est censé les voir pareil. Mais je pense qu'il y a un troisième ennemi. Et selon moi, peut-être le crâne rouge, on risquerait de le voir. Je serais pas étonné pour le crâne rouge, mais... Non, c'est ça. Mais on donnera pas de punch parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore vu le film. Moi. Mais on parle de Captain America, là. Ah, ok. C'est pour ça que je me demandais, c'est qui le crâne rouge? Ah, c'est pour c'est, ça. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est un méchant. Pas forcément. C'est pas parce qu'il est rouge qu'il est méchant. C'est du racisme. Oui, mais c'est parce que quand le bout, je peux le dire parce que Marilyn l'a vu ce bout-là. Mais quand le docteur il injecte lorsqu'il rencontre Steve Rogers avant le sérum, Steve Rogers il dit pourquoi tu m'as choisi? Il dit ben c'est parce que regarde, je t'ai pas choisi pour tes qualités physiques, je t'ai choisi pour qu'est-ce que t'as dans ton cœur, parce que le sérum te rend meilleur si t'es gentil, mais tu vas être plus gentil. Mais si t'es plus méchant, mais tu vas être encore plus méchant. Puis vu que Crâne Rouge avait utilisé ce sérum-là, puis qu'il était méchant, ben il est devenu encore plus méchant. Et voilà. That's the reason why he's a motherfucker. Motherfucker! Non. Effectivement. T'as pas rapport. Ok, t'as eu un buzz de Angry Video Game Nerd, toi. Oui, monsieur. Oui. Alors. Oui, monsieur. Alors là-dessus, après, on va s'en aller dans l'autre film qui sont apparus auparavant. C'était L'Incroyable Hulk avec Edward Norton. Oui. Qui est un très bon film, sérieusement. Malheureusement, Edward Norton ne fait pas partie du film des Avengers à cause de raisons de réalisation artistique entre lui et la compagnie Marvel. Malheureusement. Je trouvais qu'il faisait un excellent Bruce Banner. J'ai trouvé ça dommage qu'il ne soit pas de retour. Mais vu que lui voulait mettre l'emphase plus sur l'humanité de Bruce Banner, tandis que la compagnie voulait plus mettre ça sur le monstre, ben ça a fait une grosse discorde entre les compagnies. C'est pour ça qu'ils sont pas présents. Malheureusement. Mais votre avis du film? Je vais commencer avec Marilyn cette fois-là. Oui. Moi, j'ai bien aimé ce film-là. J'ai une vision globale de la chose. Ça fait quand même longtemps que je l'ai vu, donc... On est allé le voir en plus au Cinépark. Oh, sweet! Dans le temps que le Cinépark Joliette existait encore. Là, il n'existe plus pantoute. Ça fait de la peine, ça, par exemple. Effectivement. Mais c'était un très, très bon film. C'est sûr que je me souviens pas de tous les détails par cœur parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Mais... Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. C'est vraiment bien. Ouais, moi, en tout cas, j'ai bien aimé également le film. Je trouvais que le côté plus humain de Bruce Banner était présent. C'était plus le fun de le voir. Mais en même temps, les scènes d'action dedans étaient vraiment bons. Puis celui qui faisait le méchant, qui fait... je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Abomination. Ouais, le gars avant. Là, je trouvais qu'il... Ross. Ouais. Ou General Ross. Ben, pas General Ross, le gars là, de l'équipe. Là, Leader! Le gars qui se fait shooter le sérum de Super Soldat. Là. Tu te rends compte que... C'est pas du Gamma? Hein? C'est pas l'exposition au gamma? Ben, au début, il y avait eu la shot de... pour devenir super soldat. Puis après ça, il y a eu l'exposition de gamma. Ah, ça, c'est Abomination. Ouais, c'est ça. C'est Abomination. Je trouvais que le gars qui jouait Abomination avant, bon, tu vois le 3D, le personnage, je trouvais qu'il avait de l'air vraiment mean dans les yeux. C'était un personnage qui était mauvais. C'est le même acteur qui joue dans Lie to Me. Mm-hmm. Ceux qui se demandent de qui je parle, là. Je le connais pas par cœur, mais sérieusement, j'ai bien aimé ce personnage-là. Toi, PL, t'en penses quoi de ce film-là? T'en as un autre que j'ai pas vu. Voyons! Qu'est-ce qui se passe? Là, franchement, il faut voir que tu te rattrapes dans tes films de super-héros de Marvel. Sauf, sauf que, ben. Écoute, quand t'as vu Ghost Rider, quand t'as vu le premier Ghost Rider, là, t'as plus espoir après ça, là, genre regrette. Mais c'est parce que Ghost Rider, ça, c'est pas la même compagnie, mettons, qui a produit le film. Là. Non, c'est ça. On s'entend-tu? Je pense que c'est Fox qui ont les droits. Le Ghost. Sony. Sony? Ouais. Bon, c'est Sony qui ont. Il y a 4 Fantastiques qui étaient plates. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre aussi? Daredevil, qui était plate. C'était horrible! Ben, je te dirais que la version d'Arthur Scott est meilleure. Et moins pire. Intolérable? Ben, c'est parce qu'il rajoute comme une demi-heure d'histoire. Oui, mais ça bat pas le fait que tu vois fucking Matt Murdock aveugle se battre avec Elektra dans le parc. C'est un fait. Mais il rajoute des bouts d'histoire qui, je te dirais, qui aident beaucoup à la compréhension du personnage en tant que tel. Beaucoup plus de Matt Murdock que du Daredevil. Ouais, parce que dans le cut original, Matt Murdock, c'est un pleurnichard, alors que le vrai personnage, c'est tout sauf un pleurnichard. C'est ça. C'est ça qui m'a aussi énormément gossé de Daredevil. Mm-hmm. Mais pour revenir à quand même Hulk, j'ai quand même des connaissances. Mm-hmm. J'ai effectivement su qu'Edward Norton, c'est encore très étonnant qu'il n'ait pas gagné d'Academy Award ou même de score pour sa performance en tant que Bruce Banner. C'est ce que j'ai su. Ben, je pense tout simplement que l'Académie, là, c'est bien dur à impressionner. Sérieusement, là. Ouais. Faut pas que vous pensiez. C'est dommage parce que moi, je mettrais bien des films qui auraient dû gagner des Oscars, mais qui l'ont pas pu. Tout simplement parce qu'il y a du snobisme, puis que. Ah, si, bol. C'est du snobisme. Dès que tu parles d'un film de science-fiction, que tu parles d'un film de quelque chose de différent, je vais laisser parler Marie. Ouais, aussi de films genre fantastiques, parce que c'est vraiment considéré, je sais pas, c'est trop du populaire, on dirait, pour l'Académie. Effectivement. Ouais, drame et films d'action, c'est ça qui est plus populaire pour cinéma américain. Mais même encore, l'Académie accepte pas vraiment de films d'action. Tu regardes la liste, la plupart du temps, c'est des drames. Ou une comédie qui tourne autour du drame, quasiment, là. C'est très rarement, à part les catégories d'animation, de films plus, je te dirais, enfantins. Pas d'enfantins, mais tu sais, les make-up, les spéciaux. Là-dessus, ils vont vraiment porter attention. C'est des gros films à gros budget. Mais lorsqu'on embarque certains... Parce que c'est des films à gros budget. C'est ça. Lorsqu'on embarque dans des films, tu sais, comme meilleur Oscar, du meilleur film, meilleur acteur, c'est toujours des films sérieux, dramatiques. Il n'y a jamais de gros film de blockbuster qui sort, là. Comme là, on comme avant d'avenir sur Hulk, là, comme on parle également des Oscars. Moi, je m'excuse, je vais même être vulgaire. Ça me fait encore chier que Monsieur Lazare n'ait pas remporté l'Oscar du meilleur film international. Je l'ai pas encore vu, sérieux, je dois... Excellent, excellent. Provocateur, mais excellent. OK. Sérieusement, il faudrait que je m'y mette, là, mais je t'avoue que je ne l'ai pas encore écouté. Je vais peut-être aller le louer, pas cette fin de semaine-ci, peut-être pas là, parce que c'est la fête des mères. Peut-être qu'il. On est quasiment dans le temps du déménagement, là. Quasiment. Mais pour venir à Hulk aussi, pour dire ce que je disais, bon, j'avais dit que Norton aurait mérité un score de ce que j'ai su. D'ailleurs, Norton, c'est vraiment pas un dupé en tant qu'acteur. Mm-hmm. Sans compter que, à ce qui paraît, effectivement, le scénario, quasiment tout de ce film de Hulk était bon. Mais je sais pas si vous avez quand même suivi ça vous-même. Son succès était médiocre. Mais pourquoi son succès était médiocre? Parce que le film est sorti 5 ans après la version de Ang Lee qui était hautement critiquée comme étant justement trop humain. Mais parce que ceux qui n'ont pas vu le premier Hulk, puis moi je juge que ce n'en est pas un à écouter. Sérieusement, je le trouve très long, le premier film. Il est trop long. Il aurait dû couper bien des places parce que ça rend le personnage à m'emmener. Tu vois peut-être 20 minutes le monstre, puis le restant, tu vois juste Bruce Banner, puis c'est comme « Ah, oh, c'est long, c'est long, c'est long. » Ouais, c'est ça. Il y a des longueurs. C'est pas tant que c'est long, c'est qu'il y a des longueurs. C'est... Il y a des temps morts, il y a... C'est quasiment comme un film anglais. Ben... L'approche du premier Hulk seulement. Mm-hmm. À cause, par ses longueurs, parce que le cinéma anglais, c'est beaucoup de conversations sur le même plan. Ça peut durer 5-10 minutes sur le même plan, mais c'est une conversation, puis il y a rien d'autre qui se passe. Oui, effectivement, c'est ce qui se passe souvent. Moi, je repense juste au premier film, lorsqu'il se promène, où est-ce qu'il avait grandi quand il était petit, là. Je pense que ça dure comme un gros 10 minutes, 15 minutes, puis il se passe à rien. C'est ça, c'est ça. Puis là, il faut que tu penses là-dedans que tu as 120 minutes à remplir. Effectivement, oui. Je pense que c'est juste le réalisateur qui a fait des mauvais choix, selon moi. Mais, en tout cas, ça, c'est mon avis personnel là, pour ce qui est de ce film-là. Toi, Marie, je me rappelle pas si tu l'avais déjà vu. Non, je crois pas l'avoir vu, malheureusement. Ça se peut fort bien. Fait que non, sérieusement, c'est pas... Moi, je le conseille pas aux gens. Écoutez le deuxième, écoutez pas le premier. Ça apparaît quand c'est... Le deuxième est vraiment supérieur, je trouve. Alors là-dessus, ben il nous reste encore une série de films. Les fameux Iron Man. Je pense que Iron Man. Tout le monde tease d'écouter les deux. Oui. Personnellement, vous, votre préféré, c'est lequel? J'ai écouté l'un et l'autre, mais je possède le 1 qui est dans ma collection qui est dans ma série de films de DVD à regarder. T'as pas vu le mouvement que je fais en ce moment, hein? Moi, pour les films, ironiquement, je suis plus un gars comic book. Moi, plus vouloir lire les comic books que dans les films. Mm-hmm. Pourtant, j'ai capoté sur First Avenger. Mm-hmm. Oui. Donc, faut que tu te rappelles, mon cher ami. Si tu veux aller voir The Avengers, t'as une couple de films à comprendre. Tant que ça. Parce que tabarouette. Mais quand même, être celui qui va te dire que les Avengers que vous allez voir, c'est la version qui est apparue dans le temps des Ultimate Avengers. Mm-hmm. C'est dans l'univers de Ultimate. Mm-hmm. Ultimate. Oui, effectivement, mais je te dirais. Ça en vient de là, puis je sais très bien que le film va quand même se faire se baser sur le matériel source. Et en tant que film, de toute manière, j'ai. Oui, moi peut-être comprendre certaines affaires, certains aspects mineurs, en voyant les Hulk, les Thor, les Iron Man. Et d'ailleurs, c'est un beau défi à faire, en fait, c'est d'écouter tous les films avant d'aller voir Avengers. Mais même si pour moi. Parce que quand même, j'ai beau dire que j'ai pas besoin, c'est quand même un devoir que j'ai à faire. Effectivement, parce que je pense que les accros vont attendre la critique de nous trois. Je pense que c'est ça que on va faire, sérieusement. Je pense qu'on va aller voir sur le forum la journée où est-ce que la semaine après la sortie du film, probablement qu'on va faire chacune une critique de notre bord, puis on va en parler. Parce que c'est veut, veut pas, c'est un événement geek d'importance. Écoute, si je peux me permettre, c'est mon top 1 de mes attentes de 2012. C'est le film The Adventure. C'est pas Lollipop Chainsaw. C'est pas un autre nouveau jeu de Suda 51. C'est pas le prochain Resident Evil. Je savais même pas que Resident Evil 6 anyway, était pour sortir en 2012. Non! Moi, c'était vraiment fucking Adventure. C'est ça que je voulais voir. Alors, c'est ma plus grande attente. Pareil. Oui. Toi, Marie, là-dessus, t'as-tu très hâte d'écouter ce film-là? Ben moi, je suis plus dans la frénésie de mon copain qui arrête pas d'en parler depuis 2 mois, à peu près. Mais écoute, à mon ancien job, on en parlait tous les jours. Mais j'ai hâte de l'écouter, sérieusement, parce que ça a tellement l'air épique comme film qu'on n'a comme pas le choix d'y aller en tant que geek. Écoute, c'est le film, c'est les Avengers, c'est l'équipe originale de super-héros réunis. Je pense qu'ils ont même été réunis avant même The X-Men. Je te dirais que... Pas sûr, totalement. Il me semble que non. Justice League était sorti auparavant, du côté non, DC. Non, je te parle pour Marvel, uniquement. Ça se pourrait, oui. Ça se pourrait, je te mets ça sur des... les pincettes là encore là. Faudrait aller voir, mais je pense que oui, X-Men est sorti comme peu de temps après. Peu de temps après. X-Men c'est genre 64, une affaire de même. Puis faut que tu penses là-dedans que Captain America, lui, sa création a été en 39. Non, 40-41 à peu près, oui. Oui, oui. Fait que... Vous savez que sur le cover, il punch Hitler d'en face. Ça, c'est le numéro 2 ou 3. Le 1. Le 1, t'es sûr? Je pensais que c'était le 2. Non, t'as raison, c'est le 2, parce que le 1, c'est... me semble... Tu sais quoi, j'ai un doute. Soit que le numéro 1, c'est où c'est qu'il punch Hitler, soit que le numéro 1, c'est où c'est que tu le vois full body, puis il s'en met droit sur toi, là. OK. Je pense que c'est numéro 1, ça. Toi, Marie, côté Iron Man, les deux films, t'es écouté, je pense? Oui. Est-ce que tu t'en... Lequel que t'aimes le plus, toi? Le premier ou le deuxième? Oh boy! Je te dirais... Le premier, parce que c'est l'original, puis ça présente bien le personnage. J'avoue qu'aussi, le premier, il est meilleur, parce que l'historique, je pense que c'est vraiment la présentation du personnage, puis... Je pense dans le 2, je trouve qu'il y a un petit peu de superflu. Ils ont rajouté le personnage de War Machine, qui est le chum d'Iron Man, que je trippe pas. Je le trouvais pas le fun. Au départ, ils étaient des ennemis. Mm. Au départ, War Machine ou Warmonger, mm-hmm. c'était supposé être un ennemi pour contre-attaquer Iron Man. Mais Warmonger, tu le vois dans le premier. C'est ça. Mais ma femme pour War Machine. C'est pas le même personnage. Non, c'est pas le même personnage, mais autant Warmonger que War Machine est supposé être contre Iron Man. Mm-hmm. C'est vrai que plus tard, Iron Man et War Machine sont ensemble. Mm-hmm. Mais non, sérieusement, dans le 2, je trouvais que le personnage était trop. Puis le personnage que joue. Comment s'appelle l'acteur? Comment il s'appelle? Celui qui jouait le lutteur. Ah, oh, tu parles de Mickey Rourke, ouais, Mickey Rourke. Je le trouvais plate. Je le trouvais plate comme personnage. T'as trouvé Whiplash... Parce que faut aussi que tu saches... Non, voyons. T'as ouais. Faut que tu saches que Whiplash est un personnage qui était assez... qui a été créé contre Iron Man assez récemment. OK. C'est pas un personnage comme Mandarin ou comme... Man, je suis rouillé dans mes connaissances d'Iron Man. Mais minimum, Mandarin, qui lui, ça date de quasiment ses premiers ennemis, il y a 40 ans de ça, là, et même plus. Whiplash, c'est assez récent. Je pense qu'il y a c'est à peine 10 ans, c'est pas 20 ans. OK. Parce que moi, en tout cas, je le trouvais comme... qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y a pas rapport, là. Il aurait pu nous mettre d'autres méchants qui auraient été encore plus hot. Encore une fois, je reviens à Mandarin. Pourquoi ils n'ont pas mis Mandarin? Je pensais qu'ils étaient pour mettre Mandarin parce que c'était un ennemi assez... C'est quand même l'ennemi mythique d'Iron Man, en fait. Peu de gens le savent, mais c'est quand même l'ennemi mythique d'Iron Man, Mandarin. Mm-hmm. Le gars, il possède 10 bagues qui lui donnent des pouvoirs, les 10. OK. Fait que c'est comme... C'est effectivement l'adversaire idéal pour Iron Man. Mm-hmm. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Sinon, en tout cas, pour ce qui est des deux films, le premier, je l'ai trouvé le meilleur. Surtout l'introduction du personnage, ben, quand tu vois sa première armure, que c'est vraiment faite, pas broche à foin, mais tu sais, en gros fer soudé, là. Il y a vraiment du premier Iron Man des années 50, là. Tin foil! Tu fais comme, wow! Man, c'est hot! Fait que tu sais, j'ai vraiment embarqué là-dessus, dans ce film-là, pour ce qui est de la série. Je vais vous poser une question, je vais attendre si vous êtes capable de répondre ou pas. Pensez-vous qu'on va avoir des surprises dans ce film-là? Oui. Je suis sûr que oui, moi. Oui, oui. Et vous? Il n'en montre pas assez dans les bandes annonces. Et selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme surprise? Je lance une idée comme ça, là. Moi, j'ai pensé que justement les Skrulls étaient pour être une surprise. Ironiquement. Parce que je suis le premier à dire que, Loki s'est allé avec les Skrulls, puis ça va être l'invention des Skrulls contre The Avengers, mais sinon, c'est pas quoi comme surprise. Déjà en partant, quand je pourrais dire ça, j'allais commencer le débat sur Hawkeye, parce que Hawkeye, il n'y a pas de film à lui, mais bien vraiment, il n'y a pas de film à lui non plus. Les gens vont dire, ouais, mais qu'est-ce que tu dis de Black Widow? Ben, Black Widow, elle a apparu dans Iron Man. Ouais, dans le deuxième. c'est ça. Où c'est qu'Iron Man, fidèle à sa version Ultimate, il dit Can I get her? Et son, je pense que c'est son PR qui dit No, don't touch. Non, mettons que non. C'est ça, tu sais. Non, fait, quelle autre surprise. Écoute, honnêtement, c'est difficile à ce point-là parce que je crois que si on est pour tant débat sur les surprises, ben, ça sera plus une surprise rendue là. Puis on risque d'avoir des déceptions aussi. Actuellement, sans devoir mettre les standards trop hautes, je ne crois pas qu'on va être déçu du film The Avengers. Je ne pense pas non plus. Moi non plus, mais il faut pas essayer de tout deviner avant de l'avoir vu non plus, parce que c'est là qu'on va être déçu. Oui, c'est ça. Vous avez effectivement raison. Moi, je pense surtout au caméo. Ok, Vision? Qui est Vision? Je le connais pas. Vision, c'est un autre Avenger qui était jadis un androïde, je crois que c'est... Ok, je viens d'avoir en passant une autre idée, mais ça, je vous le lancerai après. Vision, c'est un androïde qui actuellement arrive assez tôt dans les comic books. Regarde, c'est... Il va jusqu'à marier la fille de Magneto. Fait que c'est pour dire à quel point que c'est... Marvel a quand même poussé son personnage. Ok. Il marie la fille de Magneto, parce que Scarlet Witch était une Avenger, c'est pour ça. Ah, ok. Quoi d'autre que je voulais dire? Ah oui, c'est... C'est quoi? J'ai perdu mon idée. Je suis poche. Je vais laisser une idée de caméo. que et là, tu viens de dire caméo, et là, je viens de m'en rappeler, fait que tu parles, Dan. Ensuite, je vais dire mon idée. Je pense qu'on va peut-être voir un caméo du personnage de Andrew Garfield. Qui fait le nouveau super Spider-Man qui sort l'été prochain. Ça pourrait être intéressant, ça. Je pense pas qu'on va avoir le Spider-Man, parce que Spider-Man est licencié côté Sony, donc c'est pas la même compagnie qui a la licence. Mais ils peuvent tout aussi bien engager le personnage pour faire juste passer en arrière. Ils peuvent faire ça, mais... Ou faire un salut à un des personnages, exemple. Il peut. Peut-être. Mais je sais que c'est les mystérieux éternels qui ont peut-être parlé de ça. Moi, je suis peut-être de leur avis. Il me semble que tu fais passer juste Peter Parker en arrière. Parce que, veux pas, Spider-Man est dans l'équipe en ce moment des Avengers, je pense. Il est dans l'équipe courante de ouais, il est dans l'équipe courante des Avengers avec également Wolverine. Wolverine est dans les Avengers, dans la continuité courante des comic books. Ça serait génial. C'est overkill. Genre les deux qui jasent en arrière-plan, ça serait tellement drôle. Moi, je verrais plus Peter Parker prendre une photo des Avengers. Oui, ce serait génial. Dans leur moment ça serait fun. Ce serait selon moi le caméo parfait. Et là, je vais lancer comme... Bon, il y a un caméo dans chacun des films de Marvel qui est le personnage de Stan Lee, le créateur de tous ces personnages-là. Ouais. Il est dans chacun de ses films. Quel genre de caméo qu'on pourrait voir avec lui? En passant à part Ghost Rider et avec de bonnes raisons. Bref. Ben, c'était. Il a créé Ghost Rider? Je pensais qu'il l'avait pas créé. Ghost Rider, c'est effectivement pas lui qui l'a créé, mais c'est vu que c'était un personnage de Marvel. Il aurait pu, tant qu'à faire une apparition, mais il a bien fait de pas avoir apparu. Non, de toute façon. C'était tellement fucking horrible. Quand c'est rendu que même American Dad crie haut et fort que Nicolas Cage devrait avoir honte d'avoir interprété Ghost Rider. Ça va loin. Ouch. Ça va loin. Ça va loin. Mais je pense qu'on va voir, je sais pas, Stan Lee, surtout en arrière d'un bureau, peut-être comme journaliste. Mais ça que je le verrais de même pour cette fois-ci. Parce que. Pas vrai, ça. Ou encore, un des personnages va le voir pour avoir de l'aide dans un magasin, chercher quelque chose. Ça pourrait être le gars derrière le comptoir, exemple, qui donne le. Ça pourrait être tellement drôle, tu sais. Actuellement, oui, ce serait genre de choses qu'il pourrait faire. Sincèrement, vous avez une idée. Moi, j'en ai pas. Moi, sérieusement, après avoir écouté Spider-Man, parce qu'il apparaît dans les trois, là, tu fais comme. Il y a tellement d'idées, tu peux le mettre. Là. Moi, c'est surtout dans son caméo qu'on voit dans l'incroyable Hulk. Là. J'ai comme fait. Oh my god! Attends, répète-moi ça, qu'est-ce qu'il a fait dans l'incroyable Hulk? Là, c'est un spoiler, alors, spoiler tout le monde. Coupé pendant peut-être 30 secondes. C'est que tu vois, à un moment donné, c'est parce que Bruce Banner se coupe dans l'usine où est-ce qu'il travaille, puis il y a une goutte de sang qui rentre dans une bouteille. Puis, tu vois, quelques semaines plus tard, tu vois Stanley qui ouvre une bouteille et qui est en train de boire, puis le gars, t'as une voix en arrière qui dit « Ce gars-là est mort d'intoxication radioactive. » Oh non! C'est comme, tu sais, il est là super content, super pépé, c'est Stanley, il est en train de prendre une bière, pas une bière, mais une sorte de jus, puis il boit, puis il meurt à cause de radioactivité, tu sais. Ça, c'est tellement parti à rire. Mais un de ces caméos que j'ai pas aimé. C'est d'ailleurs très ironique. Comme quoi, la radioactivité ne vous donne pas de pouvoir, les enfants. Non, effectivement, ça fait tuer les gens. Ça tue les grandes légendes, surtout Stanley. Stanley est immortel, il est encore vivant aujourd'hui. Oui, effectivement. Ben, tu sais, tant qu'il fait pas un speech parlé comme dans Spider-Man 3, là, moi, je vais être bien content. Pourtant, c'est un bon parleur, Stanley. Peut-être, oui, mais c'est pas un bon acteur. Non, pas forcément, c'est vrai. Alors, ben, écoutez, on va vous laisser là-dessus pour ce qui est des films des Avengers. Je pense que nous trois, on a très hâte de voir le film. Oui. Vraiment. Dimanche. Moi, c'est pas seulement dimanche que j'allais le voir. Forcément dimanche. Nous, Marie-Lune et moi, on essaye de viser peut-être le vendredi. Sinon, ça va peut-être aller au samedi. Tout dépendant de l'achalandage d'un cinéma. Ouais. Une chose qui est plate, mais on n'a pas ben le choix. Surtout qu'on est à côté d'un cinéma hyper gros à Montréal, le Star City. Le Star City qui prend. Ouais. Il va y avoir sûrement comme trois salles speed au Star City, mais les trois vont être quasiment jump pondés. Sinon, on va peut-être essayer d'aller. Si on descend, nous autres, on va peut-être descendre dans ma ville natale en fin de semaine, je sais pas. On va voir. Il y a un petit cinéma là. Et d'habitude, il y a toujours de la place encore. Fait qu'on va essayer peut-être de rentrer dans celui-là à place. Mais on devrait vous tenir au courant du film, au courant de la fin de semaine prochaine ou au début de la semaine prochaine, nos commentaires, comment on a trouvé le film, puis tout ça. Fait que, ben écoutez, comment on peut vous rejoindre? Je vais commencer avec Marilyn. Comment on peut te rejoindre sur les internets? Sur Facebook, on peut me rejoindre via le site des Accros des Jeux, sur le forum. On peut me rejoindre via Twitter. À Terrien Marie-Ève. Très, très original, encore une fois. Je me répète. Non, mais écoute, des fois, la stabilité a bien meilleur goût que l'originalité. Et voilà. Puis, sinon, je risque de. Si vous êtes intéressé via mes lives, peut-être que je vais peut-être en laisser des petits échos sur le forum des accros. Qui sait, ça peut-être intéresser des gens. Pas de problème pour moi. Moi non plus. Puis, c'est pas mal ça. Facebook, via ma chaîne YouTube aussi. Création ML pour les accros des jeux. Vlog de Marie pour mon vlog. Et mes trucs plus filles. Puis, c'est pas mal tout. Je pense que j'ai fait le tour. Puis toi, Antithèse, c'est quoi que c'est? Comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre au courriel de Antithèse, Antithese, @yahoo.ca ou encore gmail.com. Mon Twitter, c'est antithese16, antithese16. Et justement, parlant de ça, j'aimerais juste compléter mon shout-out de tantôt sur le couple en Australie, Marie-Claude Paradis et Bo Kelly, qui, eux, sont les auteurs d'un webcomic très, très sympathique de Panda and the Boo. Qu'on peut suivre sur The Panda and the Boo, en un mot, thepandaandtheboo.com. Et tu viens de me faire penser, Antithèse, ce serait peut-être intéressant, je ne sais pas si vous êtes intéressé à me contacter personnellement, que je me fasse un courriel exclusivement pour les accros des jeux. Donc, si vous êtes intéressé par ça, laissez-moi le savoir. Puis à ce moment-là, dans le prochain podcast, je pourrais à ce moment-là vous dire quel est le courriel que vous pouvez me contacter directement. Alors, sinon, il y a... t'as un Twitter, toi aussi? Antithèse, c'est bon, c'est bien ça? Antithèse. D'accord. Alors, vous pouvez contacter de cette manière, Antithèse. Pour ce qui est de mon cas à moi, si vous désirez me contacter, vous pouvez me contacter directement sur Twitter à Accros des Jeux. Vous pouvez également me contacter sur le site, le site internet des Accros des Jeux dans le forum au nom de Big Ben. Vous pouvez également me contacter sur Vous pouvez également me contacter, excusez-moi, j'ai perdu mon fil, à clodesjeux@commercial.gmail.com si vous voulez m'envoyer un courriel, ou si vous voulez envoyer un courriel à quelqu'un de notre entourage, je vais en profiter pour le transmettre à quelqu'un, à la personne que vous désirez joindre. Et également, pour ce qui est de Facebook, je suis disponible dans le groupe des Accros des Jeux, cependant, je n'accepte pas les invitations personnelles par souci de vie privée. Alors, c'était là-dessus qu'on vous laisse sur le podcast du mois de mai des Accros des Jeux. Alors, c'était le Big Ben. Antithèse. Et Marie-Lune. Pour le podcast des Accros, on vous remercie beaucoup et suivez-nous sur le site des Accros des Jeux sur notre site accrosdesjeux.com. Merci beaucoup et à la prochaine.